vis ma vie, tu la connais. Petit sonnet, trop de filles de pute, de cap, des balles, ma vie. J'suis même plus étonné, j't'ai vu grandir, ne m'esquive pas. Quand tu me croises, fais-moi la bise. Moi j'grandis, mais j'oublie pas. Tu me fais tes blagues, mais souris pas. Non, j'oublie pas d'où j'viens. On rêvait d'être tous pleins. En bruit, on était en fête à 7 sur un bout de pain. J't'étais pas ma life, j'vois le buzz, ma Twingo. Dédicace à Tota, dans le salon, le bingo. Tu fais mon cœur, la bim pas. Tu veux être mon ami, me nique pas. J'rappe pas pour les bimbo, tu me verras là où on m'invite pas. T'inquiète, j't'évite pas. J'sais pas ce que j'ai, j'me vide pas. J'ai vu l'amour dans tes yeux, mais sache qu'on t'es les guide pas. Tu viens, tu me dis wesh, alors Joule, ça va, tu t'atteins. Tu me demandes un service, ça fait 2 ans que j'ai pas vu ta tête. J'te voyais te faire gifler, maintenant tu m'appelles mon fils. Tu grattes des pétards à tout le monde, mais casse-toi de là, j'ai vu ta vie. J'sais pas ma vie, entre le bien et le mal, je navigue. J'vois plus ton passé, j'suis mal, j'ai panique. Le quartier, faut qu'on le réanime. J'veux plus faire crédit à la ligne. Je panique, je panique, je panique, c'est chaud. J'sais pas ma vie. J'sais pas le mavi, j'sais pas le mavi, c'est trop. Ça tourne avec deux plaques dans le ghetto, ça devient dur les béton. J'vois les civils tourner, ils ont gravé leurs plaques sur le béton. J'vois plus le temps passer, plus j'grandis, plus j'deviens pisse. J'étais mal quand j'ai passé, parce qu'Agadir, rien qu'elle me piste. Il fait fresh dans la caisse, j'tiens Fabio de monter sa vitre. Ok, t'es un voyou, mais on s'en fout de savoir où t'habites. C'est triste, c'est vite les gens qui parlent, qui chauffent vite avec les autres. Tout le monde parle trop devant les gens, surtout rabaisse jamais tes potes. Tu vagabondes comme une voiture, avec le temps tu perds ta cote. Tu veux t'habiller grande marque, Gucci sac le bouteille. On a rien à voir, moi c'est Azik, mon alcool dans ma bouteille. J'te... plus rien à foutre en tournée. J'aime tellement mon public que je saute dans la foule. Pour ceux qui me laissent des coms, oui des coms de fils de pute. Devant moi vous existez plus, c'est pour ça en cellule. Contre moi j'ai pas ton beurre, ne l'en demande pas ta mise. Ils vont te dire qu'elle est trop beurre. Y'a plus des gains dans le secteur, même à 4 on s'en seul. Ara bloque l'ascenseur et nique sa mère l'inspecteur. Gentiment assis du mat, j'vois la PVW. J'me mets par la fenêtre, j'espère que c'est pas chez moi qui vont soulever. J'ai les yeux qui se ferment, j'suis crié, j'gamberge, vois les autres sourire. Mais j'fais que souffrir, j'roule. J'vois toujours le voyant orange, la rage. J'roule sans essuie-glace en plein orage. Ah, j'ai comme une envie de placer le ballon petit filet. J'ai vu Scarface, j'ai comme une envie de niquer ce qu'ils veulent m'enfiler. Tu sors d'un an, tu vas cachiller. C'est la routine, tu sais que tu vas encore finir par cantiner. Dur, dur d'imaginer, c'est pour ça profite de ta mère, soit à l'heure à son dîner. J'y mets tout mon cœur dans ce putain de texte. L'amour en t'aveugle, mais c'est une putain de ma vie. Entre le bien et le mal, je navigue. Je vois plus ton passé, j'suis mal, je panique. Le quartier, faut qu'on réanime. Je veux plus faire crédit à la ligne. Je panique, je panique, je panique, c'est chaud. J'sais pas le mavi, j'sais pas le mavi, j'sais pas le mavi, c'est faux.